Futur Simple se poursuit sur les ondes de CKRL 89,1 et nous allons maintenant nous attacher à un côté, je voudrais pas dire obscur de la science parce que ça fait un peu étrange, on va dire blanc, le côté blanc. Celui de l'humour, en tout cas, l'autre côté de la science, celui de l'humour. Les scientifiques peuvent-ils être drôles? Quand on les entend parler, c'est toujours pour parler sérieusement, on les voit pas tellement lancer des blagues. Et pourtant, les scientifiques, c'est des gens comme les autres. Et notre chroniqueuse, Christiane Dubon, va nous le démontrer en nous parlant des prix Ig Nobel. Bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Donc pourquoi un tel retour comme ça sur les Ig Nobel? Oui, les Ig Nobel, c'est parce que c'est une émission à caractère scientifique et on relate les études et tout ça, mais il y a des milliers d'études qui se font par année et la plupart reste dans l'ombre, c'est méconnu, ça accumule la poussière. Mais parmi ces études-là, il y en a que c'est des véritables perles. Mm-hmm. Donc, il existe un penchant un peu du prix Nobel qui s'appelle les Ig Nobel. Ig Nobel qui ont été créés pour la première fois en 1991. Ouais. Et ces prix se veulent un peu une body des prix Nobel, mais pas tant pour se moquer des prix Nobel du tout, mais pour souligner un peu le côté humoristique de la science et tout ce qui se fait. Donc, il y a des prix qui sont décernés annuellement dans plusieurs catégories, comme les prix Nobel classiques, on connaît l'apogée d'une carrière scientifique. Oui, c'est ça. Donc, on va en trouver en physique, exactement, en économie, médecine, littérature, biologie, etc. Ouais. Mm-hmm. Donc, l'objectif de cette cérémonie-là, des Ig Nobel, c'est, là j'ai traduit l'expression, c'est faire rire et ensuite faire réfléchir. Mm-hmm. To make laugh and then think. D'accord. Cette remise de prix est organisée par un groupe de scientifiques qui, dans leur temps libre, ont fait un magazine humoristique qui s'appelle The Annals of the Improbable Science, mm-hmm. donc qui relate depuis très longtemps toutes les études un peu farfelues qui finissent par être publiées. Et cette cérémonie, les prix Nobel, se déroule à Harvard, tout de même. C'est pas dans un sous-sol de base. Et d'ailleurs, il y a souvent des véritables récipiendaires du prix Nobel qui présentent ou qui sont dans l'assemblée. Donc, c'est quand même un aspect sérieux à tout ça. Mais pourquoi Ig Nobel? Ça vient vraiment du mot, du mélange du mot ignoble. En anglais, ignoble, et du mot Nobel. Probablement que ça sonnait bien, chercher quelque chose d'accrocheur, ignoble, qui, connaît un peu un sens pas possible, un peu. Ouais. Donc, c'est seulement pour ça. Donc, j'imagine que tu as des exemples, tu nous parlais de perles un petit peu cachées, là, auxquelles on n'a pas forcément accès, on n'en parle pas tous les jours. Tu en as certainement quelques-unes à nous révéler. Ah oui, ça a été très intéressant de faire de la recherche là-dessus. Il y en a des centaines. D'ailleurs, il y a deux livres qui ont été publiés et par Internet, on peut voir la liste de tous les récipiendaires de chaque année, explique le pourquoi du comment de chaque étude. Donc, c'est très, très intéressant pour les curieux. Autrement. Hein? Ah oui. Mais c'est très scientifique, c'est très rigoureux. Mais c'est des idées, tu te demandes où ils ont eu. Oui, parce qu'il faut bien dire que c'est des études scientifiques qui paraissent dans des revues scientifiques révisées par des pairs, autant aussi sérieuses que les autres. D'ailleurs, il y a un chercheur, je crois que c'est en physique, je ne veux pas médire ici, qui a gagné le prix Nobel et le prix Nobel la même année. Le prix Nobel et le Nobel la même année? Oui, alors donc c'est des vrais chercheurs qui reçoivent ces prix-là. Oui. Donc, maintenant, des exemples, c'est ça qu'on veut. Par exemple, une équipe qui a gagné le prix Ig Nobel de médecine, qui a prouvé que l'asthme peut être traité en faisant un tour de montagne russe. Bon, bien, avis aux amateurs. on ne sait pas si c'est un traitement à long terme ou juste ils sont tellement sur l'adrénaline que les bronches se dilatent. Ça doit être probablement ça. Un prix Nobel, je vais faire attention. Prix Nobel de la paix. Alors, c'est prouvé que quand on se cogne un genou, quand on se fait mal, sacré, juré, nous rend plus tolérants à la douleur. Donc, c'est pas faux. Hein? Quand on se fait mal, on a tendance à... on a tendance à jurer, à sacrer en bon français. C'est prouvé que ça nous rend plus tolérants à la douleur. Bon, faut pas se priver. Non, faut pas se priver. Ça aide pour vrai. Hein? C'est un réflexe naturel qui est compréhensible maintenant. Un autre prix Nobel de la paix à des chercheurs de l'Université de Berne qui ont étudié très sérieusement qu'il est mieux de se faire assommer par une bouteille de bière pleine que vide. Bon. Alors, avis aux oiseaux de nuit qui font le bonheur dans les bars, c'est vraiment intéressant de se faire avoir quelqu'un qui se fait assommer avec une bouteille remplie. Alors, voilà. Un autre prix en santé publique, une équipe de chercheurs qui ont inventé un judicieux soutien-gorge qui, le cas échéant, peut se transformer en masque à gaz. Ben voilà, il peut être très pratique. Oui, c'est très, très pratique dans les moments, dans des situations. Bon, où on a les hommes, mais bon. Ouais, c'est juste les femmes qui vont pouvoir se protéger. Donc, d'ailleurs, ces chercheurs-là sont allés chercher leur prix en portant leur masque à gaz sur le visage. C'était très, très drôle à voir. Également, en santé animale, il est prouvé que les vaches qui portent un prénom produisent plus de lait, de lait que les vaches qui n'ont pas de prénom. Ah bon? Alors, peut-être qu'elles reçoivent un peu plus d'affection de propriétaires. Voilà, donc ça c'est très drôle également. Un prix Nobel en aviation, bon, c'était juste très drôle. Les hamsters, les petits hamsters, les petits rongeurs récupèrent plus vite du décalage horaire quand ils sont. Ils reçoivent du Viagra dans leur traitement. Donc, les hamsters au Viagra récupèrent mieux du décalage horaire. C'est très utile de J'imagine qu'on a voulu voir si le Viagra pouvait avoir, entre autres, des effets sur le décalage horaire. Sur des journées. C'est d'abord sur des modèles animaux. Exactement. Tourner comme ça, c'est très rigolo. Ouais, ouais. En linguistique, ça, c'est aussi intéressant. Malheureusement, les rats ne peuvent pas différencier un enregistrement de japonais ou de hollandais à l'envers. Ah oui. Donc, on fait du langage japonais ou hollandais à l'envers. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre les deux. C'est très surprenant. Mais bon, les rats ne sont pas des... Serions-nous capables, nous-mêmes? Serions-nous capables? J'en doute, je ne sais pas. Également, ça, c'est intéressant, des éleveurs australiens d'autruches avaient des problèmes à couper leurs autruches, des problèmes de reproduction. Ils ont demandé à des scientifiques de se pencher là-dessus. Les humains attirent sexuellement les autruches et distrayaient les autruches lors de l'accouplement, alors que les humains se tenaient au bord de la barrière. Donc, bon, il faut le savoir. Bon. Y a eu des médecins qui sont pensés sur les effets secondaires et risques des avaleurs de sabres. Évidemment, il doit y avoir quelques effets secondaires. Quelques effets secondaires et il ne doit pas avoir tant d'avaleurs de sabres que ça non plus, mais bon. Ouais. Également, le US Air Force qui ont reçu un Nobel de la paix, car dans un de leurs rapports, c'est l'armée américaine qui a suggéré la création d'une bombe gay qui rendrait les troupes ennemies attirées sexuellement entre elles. Mm-hmm. Alors, c'est une suggestion assez farfelue. Ouais. Il y a également, une Nobel de la chimie qui répond à une question que tout le monde se pose, évidemment. Est-ce que les humains nagent plus vite dans l'eau ou dans le sirop? Ah oui. Effectivement. C'est vrai que dans le sirop d'érable, ça doit être un peu possible. Oui, ça va aller vite. Il y a une étude pour ça. Oui, c'est ça. Il y a une étude sur les tendances nécrophiles homosexuelles des canards malards. Bref, il y a vraiment... Ça arrive. Oui, c'est très, très intéressant. Les effets de la musique country sur le suicide, alouette. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Alors, c'est loin de ce qu'on peut lire, effectivement, dans les journaux et scientifiques, même dans les actualités scientifiques. C'est un peu dur de croire comment, des fois, ils ont trouvé le financement. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas si simple de trouver de l'argent en général, même quand on a des projets très solides. Il y a également des prix qui sont remis pour souligner l'œuvre d'une personne avec un ton très ironique, un humour très noir, assez satirique. Par exemple, il y a un prix qui a été remis à l'inventeur du karaoké, c'est un japonais, Daisuke Inoue, pour favoriser la paix et la tolérance humaine dans le monde. Il y a un prix qui a été remis à BP, la compagnie pétrolière, pour prouver que l'huile et l'eau, finalement, peuvent se mélanger. Ah oui? Alors, il y a beaucoup d'ironie. C'est un peu assez ironique, ça. Oui. Et est-ce qu'il y a quand même certaines études qui sont réellement utiles? Oui. Parce que, comme beaucoup de grandes découvertes, c'est souvent des erreurs. Hein? C'était pas le but premier d'une étude. Et puis, on arrive à des conclusions autres, et puis ça devient intéressant. C'est la même chose ici. Par exemple, il y a une étude qui avait gagné un prix qui démontrait que les moustiques vecteurs de la malaria étaient attirés autant par l'odeur des pieds humains que par l'odeur d'une sorte de fromage suisse. Mm-hmm. Conséquemment, maintenant, il y a des trappes à moustiques à malaria qui sont imprégnées d'odeurs de fromage en Afrique. Bon, ben voilà, il y a un débouché pour ce fromage. Oui, il y a un débouché, donc c'est pas vain, toutes ces études-là. Il y a des applications aussi. Et est-ce qu'il y a quand même des détracteurs à ces prix? Est-ce que ça fait vraiment l'unanimité ou est-ce que... Pas exactement. Par exemple, en 1995, les scientifiques en chef du gouvernement britannique, c'est quand même pas n'importe qui, avaient demandé que les Nobel ne soient plus remis à des chercheurs anglais. parce que selon lui, ça tournait les études en ridicule. Et puis bon, ça baissait la crédibilité des chercheurs. Mais heureusement, bon, plusieurs chercheurs anglais ont montré leur désaccord face à cette requête-là du scientifique en chef. Et la plupart sont très conscients de... Ça fait rayonner la science d'une manière, ça attire le public. Oui. Et puis, qui sait, c'est comme on dit, ça peut faire des découvertes intéressantes. Oui, puis je pense que ça peut être un autre moyen d'attirer les gens à aller voir. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Oui, c'est pas juste sérieux, on peut rire. Il y a du monde, il y a de l'imagination, de la créativité, tout ça quand même. Ouais. Et puis donc, pour les intéressés, les Ig Nobel vont fêter leurs 20 ans cette année. En 2011, donc le 29 septembre, bon, c'est pas tout de suite, vous allez me dire, il y a la nouvelle édition des prix Nobel qui va être transmise via le web également. Donc, merci beaucoup, Christiane, pour ces instants de drôlerie. Oui, absolument. Merci beaucoup, Christiane. Merci. Et après, donc, ces quelques idées saugrenues de nos chercheurs, eh bien, on va faire une pause publicité sur CKRL 89,1.